La vie fait que je m'implique, avec ou sans titre, on dit que tous méritent, alors je reste prêt. Faut que les Amériques, les autres, je respecte. Promesse texte à tous ceux qu'on veut là, nos raisons, nos réseaux, pour X raisons. Compte nos rayons, pas d'écran total, L, Y, R, I, C, Al. Al, ça se passe, je suis mis à l'écart. Maintenant regarde, pas d'hasard, tape et vite le blabla, pas bavard, à part sur 16 ou plus, sur 7 ou plus. Pas de bouche cousue, c'est motus, me plaît, se découle. En 2001, tu m'as vu traîner qu'avec des coudes. Pour les autres, je préfère parler avec les coudes. Parler de ce qui couille, de ce qui nous soude. Priez pour les miens, le reste me dégoûte. Tout près de l'égout, prêt à sortir des gants. Voilà ce qu'on t'apporte, des gants, des mêmes. Des gants, des mêmes, réponse des mêmes. Gars dans la mer, dans la mer, dans la mer. Une mesure, ça vient de nulle part. Deux mesures, une balle qui siffle dans le boulevard. Trois mesures, et quand ça part, ça part, ça pardonne plus depuis le temps que ça tarde. Y'a quatre mesures, une mesure, ça vient de nulle part. Deux mesures, une balle qui siffle dans le boulevard. Trois mesures, et quand ça part, ça part, ça pardonne plus depuis le temps que ça tarde. Y'a quatre mesures, like, c'est parti. T'as sérieux, on vise la sortie. Plus question que je t'intacte aux orties. On fait en sorte qu'il y ait le déclic. Qu'il faut des claques, plaques. Mon rap pas en track, et y'aura pas d'entraque. Bourgeois, je ferai ça juste à si t'es pas en crack. Et même après, pour mon disque, t'es pas en crash. Moi, dans ce moment, je suis sûr d'être acteur. Toute manière, au cul, j'ai un réacteur. Ici, on s'en fier, y'a pas MC dans lequel on s'enfuit. Et encore heureux, on fait tout pour que nos valeurs restent. Tout pour que nos potes tombent pas leur veste. Et si un blème, bla, je déballe le reste. Plus ils sont trop top, même pas le test. De toute façon, on est 7, on est sec, on essaie de percer. Mais ça n'a pas d'hier, tout comme le rap, le truc sur lequel on a parié. J'ai mon micro et plein de rimes dans mon barillet. Une mesure, ça vient de nulle part. Deux mesures, une balle qui siffle dans les boulevards. Trois mesures, et quand ça part, ça part, ça pardonne plus depuis le temps que ça tarde. Y'a quatre mesures, une mesure, ça vient de nulle part. Deux mesures, une balle qui siffle dans les boulevards. Trois mesures. Et quand ça part, ça part, ça pardonne plus depuis le temps que ça tarde. Y'a quatre mesures. Grand comme 10 ans de traînée de merde, je contrôle sur mon camp. Convaincant, je me dresse invaincu contre ces conquis. Je dis avoir tout conquis. Je me fie à mon confort, concocte un cocktail mollo au prix de l'or. Le mic en main, je débarque en tant que berger. Après le deuil fédéral, oublie pas d'éponger. Mon stylo bique en rafale, pour toi, animal. Raffole la texture pourrie de mes amygdales. Présente ma meute, ses antécédents, 1800. Alias Jamal XL dans l'alphabet. À coup de calage, tu rentres dedans. Plante mes dents sur la tête du mic, je perce tes leurs. On s'en perd, signe mes frères du crew. Le nom de la rue, sur le bas de ton cul. Mental Irani, deux en un, j'double gain. Azbostan et Shiran, Shirin et il est Iran. Une mesure, ça vient de nulle part. Deux mesures, une balle qui siffle dans le boulevard. Trois mesures, et quand ça part, ça part, ça pardonne plus. Depuis le temps que ça tarde, y'a quatre mesures. Une mesure, ça vient de nulle part. Deux mesures, une balle qui siffle dans le boulevard. Trois mesures, et quand ça part, ça pardonne plus. Depuis le temps que ça tarde, y'a quatre mesures. Je récite des idées, guidé par des arguments, éléments palpitants. Acquis dans les incidents d'un vécu quotidien. Devais, je suis toujours résident. Assis là, rester soi-même pas évident. Quand on vit rien, non, c'est pas facile à concilier tout ça. Ça, t'en doute bien, mais on soutient, vu qu'on est tous là pour ça. Et même les défaitistes qui pensent tout ça pour ça. Pas de morceaux sans pression, on en est tous conscients, vu qu'on est tous là pour staff. Qu'on bosse paragraphe, mesure ou strophe. Depuis le départ, c'est full star. Pour entrer dans l'arène et voir debout le staff. Pour avoir des objectifs, faut pas que le crew stagne. Tous les jours avancer, entrer jouissant ses déceptions. Voir la vie se balancer, le talent c'est savoir faire bien une fois et puis recommencer. Ici, tu te demandes comment c'est. Compte sur nous pour décrire, pour faire les romancer. Danser des corps insensés, on explique ce qu'on sait. Y'a rien à perdre, tout à apprendre, la boucle est séquencée. Il faudra pas qu'on cède. Rap terre à terre, 1800 trous concept. Une mesure, ça vient de nulle part. Deux mesures, une balle qui siffle dans les boulevards. Trois mesures, et quand ça part, ça part, ça pardonne plus. Depuis tant que ça tarde, y'a quatre mesures. Une mesure, ça vient de nulle part. Deux mesures, une balle qui siffle dans les boulevards. Trois mesures, et quand ça part, ça part, ça pardonne plus. Depuis tant que ça tarde, y'a quatre mesures. Ça vient de nulle part. Une balle qui siffle dans le boulevard. Trois. Et quand ça part, ça part, ça pardonne plus depuis le temps que ça tarde. Y'a quatre mesures.